projet. Maintenant, les gaz de schiste, c'est une autre catastrophe. Déjà au Canada, l'Alberta, c'est un état hyper pollué. La nappe phréatique est polluée, les rivières sont polluées, la vie sauvage est en train de mourir. La flore, la faune, tout ça, et on sait comment ça se fait, les gaz de schiste et les pétroles de sable bitumineux, ça nécessite énormément de produits chimiques dont on ne sait rien d'ailleurs parce que c'est secret. C'est à peu près entre 120 et 150 produits chimiques différents, des solvants, des dissolvants, des liants, des émollients, des je ne sais pas quoi. Ils gardent ça secret. Et ensuite, ça se fait par diffraction. Hein. Donc, quand vous diffractez ce que la nature a emprisonné depuis des millions d'années dans de l'argile, dans tout ça, pour que ça n'aille pas ailleurs, vous fracturez ça, vous envoyez 150 poisons avec, et forcément, ça va aller dans la phréatique. Ça va remonter à la surface. Vous avez la Pennsylvanie aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un film qui a été fait sur ça, qui s'appelle Gasland. Eh bien, la Pennsylvanie aujourd'hui est un état sinistré. Les gens de Pennsylvanie ont quitté la Pennsylvanie, c'est un état fantôme. Parce que, à cause des gaz de schiste, les troupeaux de vaches mouraient, les animaux mouraient, l'herbe s'asséchait, les arbres mouraient. La Pennsylvanie est un cadavre. Alors, autre question, c'est que nous avons un problème de dépendance alimentaire qui est catastrophique. Dépendre alimentairement de l'étranger à presque 80%, c'est être à la merci du chantage de n'importe quelle multinationale internationale de façon complètement catastrophique. On a les pieds et les mains liés. Les hauts plateaux, le Sahara, etc., au lieu d'aller faire du gaz de schiste pour continuer la rente, parce que c'est ça qu'il y a derrière, on fait continuer la rente, tout simplement, eh bien, valorisons les hauts plateaux et le Sahara pour l'agriculture. Est-ce que c'est raisonnable de le dire comme ça? Est-ce que c'est pas plus simple de les valoriser par le gaz de schiste? C'est un produit qui a permis aux États-Unis de devenir autonome. Ils sont en train de l'arrêter. Le Canada, la population canadienne. C'est un pays qui est en train de devenir autonome sur le plan énergétique. C'est l'Amérique, c'est pas rien, c'est les États-Unis. Et vous vous dites que l'Algérie ne doit pas y aller. Si les États-Unis ne vont pas au gaz de schiste, est-ce qu'ils seraient allés sur la Lune? Est-ce qu'ils auraient fait tout ce qu'ils ont fait? Écoutez, si les États-Unis n'avaient pas esclavagisé l'Afrique pendant 2 siècles, si les États-Unis n'avaient pas construit les États-Unis sur les Noirs africains, vos États-Unis n'existeraient pas. Les États-Unis, c'est le génocide des Amérindiens et c'est l'esclavage des Noirs qui l'a construit. Donc tout n'est pas bon pour réussir. Donc... Les États-Unis, il faut arrêter Mais quand même, de manière précise, il s'agit du Sahara. Non, mais revenons au Chili. Il s'agit du Sahara. Il s'agit de l'exploiter au Sahara. C'est-à-dire qu'une partie, nous sommes des journalistes, nous rapportons les points de vue des uns et des autres. Mais bien sûr. Voilà. Les partisans du gaz de schiste en Algérie disent 90% des problèmes d'environnement ne se posent pas parce que nous sommes dans des contrées, des no man's land, et le seul problème qui peut se poser, c'est celui de l'eau. Et il y a de nouvelles techniques qui permettent de ne pas utiliser autant de quantité de l'eau qu'il y a 15 ans au début de cette aventure. Non. Écoutez, d'abord les États-Unis. Je viens de vous parler de la Pennsylvanie. Ils sont allés au Dakota, Dakota du Nord, Dakota du Sud, etc. La population descend dans les rues tous les jours. Il n'y a pas de population à Ensala. Non, mais pour dire qu'ils sont contre les gaz de schiste. Ils n'en veulent plus. Ça, c'est en train d'empoisonner, c'est en train de tuer la vie aux États-Unis. Et au Canada... C'est la population ne veut même pas entendre parler de concessions de gaz de schiste ou de. Pourtant, comme vous le dites, mais comme vous le dites si bien, c'est facile. La solution de facilité, c'est facile. Vous savez, il y a la diffraction en avant, on prend du gaz de schiste et on a de l'argent. C'est facile. C'est beaucoup plus difficile de penser autrement. Penser autrement, c'est. Bon, le Sahara, les hauts plateaux, etc. On a 200 milliards de réserves, à peu près. Ça commence à baisser. On a une dette qui est payée. On a une force de négociation énorme sur les marchés financiers. On va avec ces réserves, avec ce que nous avons comme pétrole, comme, etc., comme minerais, comme richesses, notre dette qui est payée, et on emprunte sur les marchés internationaux des quantités colossales d'argent à des taux complètement compétitifs. On peut emprunter à 1% si on veut, à 2% aujourd'hui. Bon, et avec ça... On valorise les hauts plateaux et le Sahara pour l'agriculture plutôt que pour le schiste. Ça peut se faire. Il y a des technologies. sous serre. On peut, même si l'eau de nappe phréatique, ça n'a rien de haut plateau, est saumâtre ou un peu chaude ou un peu etc., il y a des techniques pour la traiter et pour faire en sorte qu'on soit... Alors que si on fait le gage de schiste, c'est fini, cet espoir, il est... Alors...